And because of that. Et à cause de ça. Et à cause de ça. It looks like. One would say that. On dirait que. On dirait que. We all want to become. On a tous envie de devenir. On a tous envie de devenir. The next time that you will go. La prochaine fois que vous irez. La prochaine fois que vous irez. At all costs. À tout prix. À tout prix. In French we call it. En français on l'appelle. En français on l'appelle. As. En tant que. En tant que. But when you think about it a little more. Mais quand on pense à ça un peu plus. Mais quand on pense à ça un peu plus. What would you do if you? Que feriez-vous si vous? Que feriez-vous si vous? We tend to believe that. On a tendance à y croire que. On a tendance à y croire que. There was. Il y avait. Il y avait. Quite simply because the cause of this. Tout simplement parce qu'à cause de cette. Tout simplement parce qu'à cause de cette. They have nothing to do with. Elles n'ont rien à voir avec. Elles n'ont rien à voir avec. You do that without thinking about it. Vous faites ça sans y penser. Vous faites ça sans y penser. You must know that. Il faut savoir que. Il faut savoir que. I have told you that. Je vous ai dit que. Je vous ai dit que. I hope that you were pleased. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. They found it. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé.